Leçon 10B. Paris en bateau-mouche et en patin? Les quatre amis prennent le métro. 20 minutes après, ils sont au pont de l'Alma. En face, ils voient la tour Eiffel, le symbole de Paris. Et leur promenade en bateau commence. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord. Sur votre droite, vous voyez l'hôtel des Invalides, où il y a, comme vous le savez, le tombeau de Napoléon. Maintenant, nous passons devant la place de la Concorde. Vous pouvez voir l'obélisque. Là, nous arrivons devant le musée d'Orsay. Ce palais sur votre gauche, c'est le musée du Louvre, avec la pyramide en verre. Nous le savons. Luc et François n'écoutent plus le guide. Ils regardent les gens. C'est amusant. Les touristes prennent sans arrêt des photos. Une fois à droite, une fois à gauche. Et ce sont des « oh » et des « ah ». Surtout devant l'île de la Cité, avec Notre-Dame, la cathédrale de Paris. François fait le clown, bien sûr. Il imite les touristes. Et clique, et claque, avec des « oh » et des « ah ». Après cette promenade en bateau, les quatre jeunes vont au palais de Chaillot. De la terrasse, on a une vue magnifique sur la tour Eiffel. Dites donc, c'est chouette! Oui, pas mal. Mais moi, j'ai faim! Moi aussi! Mais on n'a rien à manger. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Moi, je fais d'abord un peu de patin. Ah non! Pas maintenant! Si, maintenant. Et vous attendez un peu. Je n'aime pas les sportifs comme toi. Alors, Luc ouvre son sac à dos. Surprise! Des sandwichs au jambon, 2 tablettes de chocolat, 2 fruits et 1 grande bouteille d'Orangina. Il ne manque rien pour faire un pique-nique. Super, Luc! Les sportifs comme toi, on les aime!